C'était un vendredi soir, d'une craie je fais une marelle. Je rêve sur un accoudoir d'un pays qui semble inconnu, où les phares sont des demoiselles qui éclairent les hommes de pan, et peu la pluie serait de sel qui vous ouvre la bouche en grand. C'était un samedi soir, d'un citron je fais un cocktail. Pour ma défense et pour l'espoir, se boire c'est se rêver soi-même. Rêver d'une vie où l'alcool ferait le charme des demoiselles. Après la cuite, le corps hormone, quand bien même sans un bon sommeil. C'était un dimanche soir, la météo disait demain, c'est la grande journée du connard, fumons ensemble nos vieux mégots, mettons en scène le sacrifice, chorégraphions toutes les plantes, et des claquettes sur Jésus Twist, et du pogo sur Madine Chance. C'était un lundi midi, j'avais dormi contre ma chair, j'étais dans une merveilleuse vie dont j'avais du mal à m'extraire. Le chocolat signait la paix entre le beurre et son goût rance, le pain se lavait dans un thé, moi j'étais le pervers qui pense. C'était un mardi midi, j'avais faim comme on attend l'heure de la jouissance au bord du lit ou de la bière à degrés forts. Je me suis pensé autonome en coupant des carottes en quart, mais ce n'était que le symptôme de mon envie d'un grand départ. Mercredi matin, j'ai passé 3 heures sur les ondes à m'occuper d'un gros chagrin dont je me foutais royalement. Et quand je mange, j'ai des ulcères, quand j'ai des ulcères, j'ai des gaz. Je dis alors n'importe quelle phrase, pourvu que rien sur moi ne pèse. Pas même un vieux, je diminue, que je dégueule, parce que la veille, j'ai bouffé trop beaucoup d'ennuis et que j'ai peur qu'ils me reviennent. Je voudrais croire qu'à 50 ans, on ne vaut mieux que le partage, que le temps restera un champ où l'amour n'est plus gaspillage. J'ai cru que la semaine à venir serait sous le signe d'une alerte. J'ai cru qu'il fallait démolir mon éducation à la source. Alors j'ai pris un grand élan de ce qui vous rend très très fiers. J'ai enclenché le revolver et je me suis tirée dedans. Dedans la paume du côté cœur, devant le cœur du côté psaume. Les deux se fondent en un binôme, sans le moindre régulateur. Si un jour vous trouvez mon corps gisant dans le lait de mes veines, racontez de moi les efforts que je faisais malgré ma haine. Embellissez ce vécu par des histoires comme des légendes. Pourriez-vous dire que j'étais tendre et que vous aimiez mes retards, que j'étais pas vraiment bizarre, mais plutôt que j'étais unique, que le public s'en souvient si bien que leurs fleurs sont rares. S'il vous plaît, cachez votre joie, attristez-vous de cette perte, que je fasse semblant de mourir en laissant ma cuisse entrouverte.